festif que Yule, plus enivrant qu'une bière cousdoule, voici Radio Syrah. Approchez, voyageurs, et écoutez le programme de la journée. Pour commencer, nous retrouverons les 2 minutes des peuples libres, présentées par Neder. Nous poursuivrons avec un numéro de notre grande émission culinaire, la cuisine des Ourouks. Puis, nous continuerons avec un nouveau numéro de Trucs et Astuces, présenté cette fois-ci par Syl. Après un peu de musique, nous vous présenterons la seconde partie du grand débat ayant eu lieu juste avant la sortie de l'Ered Mitrim. Puis nous achèverons cette édition par un nouveau numéro de Secrets d'Histoire, présenté par Stépho de Berne. Puisse votre écoute vous rendre un peu plus riche en rire et en sagesse. Bonjour, bonsoir à tous, nous sommes au mois de décembre, ici Ned, pour les 2 minutes des peuples libres. Ce mois de décembre, nous avons assisté au lancement du pack Héritage, un pack exclusif, mais aussi coûteux, c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, les offres qui y sont proposées sont quant à elles très alléchantes et très rentables si on les compare. Ces derniers mois, c'est aussi l'arrivée de 2 nouveaux serveurs, les serveurs légendaires, accessibles uniquement pour les joueurs VIP. Le but de ces serveurs étant de redécouvrir le jeu et son évolution, s'adressant aussi bien qu'aux nostalgiques qu'aux curieux, même si certaines fonctionnalités ne changent pas, comme l'arme de compétence par exemple, l'engouement était si important à la sortie du serveur que le serveur initial prévu s'est trouvé surchargé et qu'un deuxième a alors été créé. Quelques informations maintenant sur les nouveautés de l'année 2019. Le nouveau raid devrait arriver début ou mi-janvier, mois de janvier, qui recevra aussi la lettre du producteur, ainsi qu'un tout premier test public de client 64-bits. Qui dit décembre dit hiver, le froid bat son plein, le devin John a déjà annoncé ses premières prédictions. Je cite « L'hiver est là, pense à bien te couvrir, dehors tu vas avoir si froid ». Le festival de Yule, quant à lui, a démarré et durera jusqu'au 14 janvier 9h. Toute l'équipe de Radio Syrah et moi-même vous souhaitons donc de bonnes fêtes de Yule. Et voici à présent un nouveau numéro de La Cuisine des Ourouks, présenté par Corbache Pouf Dragon. Salut bande de globes, j'espère que vous avez faim parce qu'on va s'entailler une bonne tranche aujourd'hui. Je m'en vais vous apprendre une recette qui paye pas de mine, mais qui fait toujours plaisir lorsqu'on reçoit son maître fou à la maison. De quoi prendre du galon. En plus, elle est très simple à faire, alors même des foutus pucherons comme vous devraient être capables de le faire. Il s'agit des nasgue panés. Pour commencer, chopez un snaga qui sert à rien, et coupez-lui un bon morceau de pidoche. Plus elle est tendre, et mieux ce sera. Personnellement, je conseille le mollet de Tark, plus petit mais bien plus savoureux que la cuisse. Et si vous avez un de ces semi-hommes sous la main, c'est encore mieux, ça fond sous la langue, je vous le dis. Après, si vous avez rien de tout ça, une bonne pièce de rat ou de poulet peut faire l'affaire. Découpez tout ça en tranches, et mettez de côté dans une petite marinade de bon grog. Maintenant, on va préparer la panure. Faut de la farine, des herbes sèches, celles qui puent pas trop, et des petits fruits secs. Écrasez-les et mélangez tout ça. Mais en enlevant les coquilles d'abord, bande de globes. Ensuite, vous prenez un ou deux œufs d'une gole, ou quoi que ce soit d'autre tant que c'est bien gluant, et vous les battez. Ah, et oubliez pas de saler non plus. Maintenant, jetez les bandes de bidoche que vous avez coupées dedans, puis chopez-les une fois qu'elles sont bien imprégnées, et plongez-les dans la panure. Et n'hésitez pas à mettre les doigts pour bien mélanger. C'est au nombre de rognures d'ongles dans le plat qu'on reconnaît un vrai marmiton. Secouez carrément le tout, comme lorsqu'il faut faire sortir la tête d'un casque qui a roulé au sol si nécessaire. Il faut que la viande soit entièrement couverte de panure. Allumez un feu sous une casserole généreusement huilée. N'oubliez pas, le gras, c'est la vie. Puis disposez les bandes de viande dedans, en formant des anneaux avec. Retournez régulièrement jusqu'à obtenir une belle teinte dorée des deux côtés. Les fruits secs de la panure vous rendent l'intérieur encore plus fondant, un vrai délice. Et voilà, plus qu'à servir. vous pouvez accompagner ce plat avec des oreilles de bouffe pissenlit frites. Mon conseil du jour, servez un bon pichet de grog aux RL, ça ira merveilleusement avec. Allez, c'est fini! Maintenant foutez le camp, bande de raclures de bagronc! Chers auditeurs, je remplace aujourd'hui Jolie Fleur pour cette chronique astuce que j'ai décidé de dédier au déplacement en terre du milieu. De quoi voyager aussi vite que le Père Noël la nuit du 24 au 25 décembre. Pour être autonome, tel le vrai héros que vous êtes, le meilleur moyen est de découvrir le maximum d'écuries. La liste complète est visible dans vos collections, sur l'onglet Maître des écuries, où vous pourrez voir celles que vous avez découvertes et celles qui vous manquent encore. En cliquant sur l'une d'elles, les connexions aux autres écuries disponibles s'affichent à gauche. Voilà de quoi planifier et optimiser efficacement vos trajets. Si vous êtes riche et un peu fainéant, vous pouvez également, via ce panneau et contre quelques pièces de mithril, voyager vers l'écurie de votre choix, qu'elle soit déjà découverte ou non. L'odeur des canassons vous rebute ? Pas de souci. Il existe divers TP. Ceux de réputation sont ouverts à tous, desservent les grandes villes et s'achètent généralement avec les jetons de la zone en question. Si vous ne vous êtes fait que des ennemis partout où vous êtes passé, il vous reste les TP de race qui s'obtiennent suite à la réalisation de prouesses de tueur et vous permettent de retourner, grosso modo, dans votre ville natale. C'est pas d'isance, mais c'est toujours ça. Et si enfin vous êtes de nature casanière, bon, vous êtes un drôle de héros, mais pourquoi pas, il y a toujours les TP vers vos maisons personnelles ou de confrérie et votre point de repère stratégiquement choisi. Ensuite, il y a les gros vénards, je veux parler des chasseurs par exemple, qui ont un très grand nombre de compétences de voyage. Mais sympa, le chasseur peut emmener avec lui les membres de sa communauté. En égoïste, la sentinelle en a un nombre plus restreint, mais se déplace uniquement de manière solitaire. Le gardien, quant à lui, est totalement assisté. En fabriquant un sifflet qu'il donnera à un allié posté là où il souhaite se rendre, il pourra se faire appeler n'importe où. Le seul vrai altruiste, ayant bien compris l'esprit d'entraide de Yule, c'est le capitaine. Il ne dispose d'aucune compétence de voyage, mais peut, d'un coup de corps, vous appeler à ses côtés. En mode un brin rétro-gaming, je mentionnerai les corps de rassemblement, espèce en voie de disparition depuis l'instauration du lanceur d'instance. Situés à proximité des places fortes, telles qu'entre autres Fornost, Karndoum ou encore l'entrée des instances Moria, ils permettent d'appeler chacun des membres de la communauté. Enfin, il existe quelques objets qui vous permettent de vous téléporter. Ce sont les cartes diverses, telles que celles vers Hibernaville, que nous avons régulièrement en ce moment, mais aussi des cartes vers Hobbitbourg, Galtrève ou encore Mortulo en Enedvace. Elles sont assez rares et s'obtiennent aléatoirement sur des ennemis. Ou au magasin, mais si vous êtes riche à ce point, autant voyager sur Mithril Airlines. Le plus plébiscité des objets est sans doute le corps de ralliement, qui permet à n'importe qui d'appeler n'importe qui. À moins d'être chanceux, il ne s'obtient que via le magasin. A priori du moins. Car, pour Yule, je vous offre ce petit secret. Sachez qu'il existe un moyen d'en obtenir auprès des PNJ de réputation de Lothlorien, contre une feuille dorée et 20 branches argentées, que l'on gagne en réalisant les donjons de la Lothlorien comme l'Umulnar ou les galeries d'artisanat. Il y a certes quelques restrictions d'usage sur ce corps, mais c'est gratuit. J'espère qu'avec toutes ces astuces pour vous déplacer, vous saurez rejoindre votre famille où qu'elle se trouve en terre du milieu afin de passer de bonnes fêtes. Je vous souhaite un très joyeux Noël et avec un peu d'avance, une excellente année 2019. Rendez-vous l'an prochain. Soyez en joie et minez avec moi les pioches bien haut, donnez de la voix et chantez avec moi. Il est temps de faire l'ouvrage et voir les merveilles d'un autre âge dans les halls de Casadoum au son des bouclants de Cousdoul. Sous la surface, dans nos grandes maisons de pierre, nous sommes les rois, faisons la fierté de nos pères au son des marteaux et des chopes de bière. Nous creusons les poubelles, mine pour pour la gloire de Turin. Je suis un nain et je creuse un beau trou. Pioche perce un trou, je creuse un trou. Je suis un nain et je creuse un beau trou. Pioche perce un trou, je creuse un trou. Personne n'est meilleur que nous pour miner des trous. Loin du confort troglodyte des signales de hobbits. Les elfes ne savent pas creuser, ils ne font que jardiner. Et les hommes, j'en parle même pas, ils n'excavent même pas droit. Tandis que nous, le glorieux peuple des nains, le moindre trou est un palais souterrain, décoré d'argent et de lune d'airain. Nous creusons les plus belles mines pour la gloire de Turin. Je suis un nain et je creuse un beau trou. Pioche perce un trou, je creuse un trou. Je suis un nain et je creuse un beau trou. Pioche perce un trou, je creuse un trou. Trésors de la nature, tissant les reflets des étoiles de la côte obscure. La beauté d'en haut est riche en sculpture. Gardiens éternels du passé dans les halls de nos aînés. Mes frères nains, soyez en joie et minez avec moi. Les pioches bien haut, donnez de la voix et chantez avec moi. Les échos nous crient, les zones et nos ennemis frissonnent. Dragon, toi, les sales gobelins, on va tous leur monter le train. Dans le reflet de nos écus en fer noir, viennent s'écraser leurs maigres chances de victoire. Nos pioches blandies, du matin jusqu'au soir, nous creusons les plus belles mines pour la gloire de Turin. Je suis un nain et je creuse un beau trou. Pioche perce un trou, je creuse un trou. Je suis un nain et je creuse un beau trou. Pioche perce un trou, je creuse un trou. De nos pères, au son des marteaux et des chopes de pierre, creusons les plus belles mines pour la gloire de Turin. Sira Musique. Bonjour à tous, nous vous proposons aujourd'hui la seconde partie du débat autour du jeu animé par Jolie Fleur, avec toujours en invité Syl, Nedert et Chaotil. Retrouvez la première partie de ce débat dans l'émission d'octobre. Bonne écoute à tous. Selon vous, qu'est-ce qui fait la force du jeu? Nedert, Syl, Chaotil, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore parmi nous? Alors, si je peux me permettre de rebondir immédiatement par rapport à effectivement ce qui fait que j'apprécie le jeu, que je reste ici. Outre, comme j'avais dit, l'immersion, le contenu énorme, le respect du lore, pour moi, la plus grande force du jeu, c'est le fait qu'il s'agisse d'un des MMO qui puisse convenir au plus grand nombre de types de joueurs différents, sans forcément rogner sur la qualité de chaque élément. Parce que l'Otro, ça s'adresse pas uniquement à un seul type de joueur. Il peut plaire au casual qui passe une fois par semaine ou qui n'ont pas envie de s'enquiquiner avec des gros défis. Il peut plaire donc aux joueurs que j'appelle les munchkins, c'est-à-dire les joueurs qui cherchent le stuff à tout prix, faire tout au maximum, tomber les plus gros défis des dernières raids, tout ça. Il est absolument parfait pour les joueurs de roleplay. Je pense sincèrement pas qu'il y ait un MMO qui soit mieux foutu que l'autre pour tout ce qui est roleplay. Voilà, il convient à énormément de types de joueurs, et dans chaque type, même s'il peut y avoir des petits soucis, c'est pas la qualité est présente malgré tout, faut le dire. Alors bien évidemment, il peut pas se plier non plus en quatre pour convenir à absolument tout le monde. Les premiers à en pâtir, hein, c'est malheureusement les pauvres joueurs PVP, parce que voilà, le PVP, je pense qu'on ça demanderait d'en parler plus en profondeur, mais clairement c'est pas le type de joueur qui est le plus recherché par l'autre. Mais néanmoins voilà, ça reste ce qui me plaît dans le jeu. Il y a plusieurs manières d'y jouer, plusieurs manières d'y trouver son plaisir, qui arrivent à cohabiter sans problème. Et moi, ça me plaît particulièrement parce que je suis un joueur que roleplay, qui va jouer très tranquillement. À côté de ça, j'aime faire du 100%, j'aime juste pour mon plaisir avoir le gros stuff au level pour une fois de temps en temps faire le raid, même si c'est pas plus mon trip que ça. Voilà. Et le fait de pouvoir l'essayer sans forcément être lésé d'un côté ou de l'autre, c'est ce qui me plaît. Mais malgré tout, voilà, c'est ce qui me plaît le plus dans ce jeu. Il y a plusieurs manières d'y jouer, il y a plusieurs manières de trouver son plaisir dans le jeu, tout simplement, sans que ça pose un problème pour cohabiter ensemble. Moi-même, je suis un joueur très tranquille, qui fait du roleplay, qui fait des events, des trucs du style. À côté de ça, j'aime essayer de faire du 100%, j'aime essayer d'avoir les derniers équipements en faisant un raid de temps en temps, même si je vais pas vraiment me focaliser uniquement là-dessus, mais j'ai le droit d'essayer, j'ai le droit de faire plusieurs choses, et ça me plaît. Pour ma part, ce qui fait que je reste sur l'autre, c'est avant tout en fait cet univers. C'est un univers dont je suis fan, et c'est un univers au final que tout le monde sur le jeu connaît. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent pas du tout ce que c'est en fait le Seigneur des Anneaux. Et c'est un peu ce qui nous rassemble tous. Après, plus personnellement, c'est aussi un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps. J'ai grandi. Ceux qui se souviennent de moi à l'époque d'Estelle savent de quoi je parle. Et puis, il y a, puisqu'on parle d'Estelle, toutes ces sessions RP où j'ai passé beaucoup de temps, même si aujourd'hui le RP, c'est un peu nul et non avenu. En fait, c'est un moyen de s'évader, l'autre, et c'est avant tout pourquoi celui-là. Je m'évade en RP, je m'évade sur mon chasseur, la classe que j'apprécie le plus. Et puis le mot de la fin, en fait, ce serait la communauté française, en fait, qui est une communauté vraiment fort sympathique. Genre, des communautés françaises aussi fortes, j'en ai vraiment peu vu sur d'autres jeux vidéo. Oui, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que la communauté, elle est vraiment, vraiment très sympa dans l'ensemble. Bien sûr, il y a quelques trolls, mais bon, on les laisse de côté. Enfin, n'importe quel joueur, n'importe quel nouveau joueur, jeune joueur qui pose une question, même si c'est une question bête, enfin, il y a toujours quelqu'un pour lui répondre, quoi. Je trouve que il se fait jamais snobber, quoi. Et je trouve ça vraiment, la communauté, c'est vraiment une des forces de jeu assez mature aussi, mais ça, c'est l'univers qui veut ça. Tolkien, voilà, c'est pas trop. Pour les kikoulol, quoi. Donc voilà, l'univers de Tolkien, magistral, enfin on l'a déjà dit, les décors, tout ça, et l'incroyable nombre de contenus de groupe, enfin c'est faramineux. Il y a des choses à faire sur ces contenus de groupe, je l'ai déjà dit, revoir les tables de loot, mais il y a un nombre d'instances, de raids, d'escas, de batailles épiques, enfin voilà, il y a de quoi faire, quoi. Il y a vraiment. Je suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'il n'y a pas de contenu. Il y a du contenu dans l'autre. Moi, je suis une complétionniste. Je veux tous les pets, tous les chevaux, toutes les prouesses. Enfin, voilà, je veux tout. Donc, il y a de quoi faire, vraiment. On peut pas s'ennuyer. Ceci étant, voilà, c'est vrai que le Farmachel prend beaucoup de temps et m'empêche de faire mes petites collections. Mais voilà, sinon la qualité de l'ambiance, la musique, les décors. Alors la musique, moi qui aime bien la musique, j'avoue que j'ai toujours adoré les musiques de l'autre. Un petit bémol, depuis qu'ils sont plus avec leur compositeur habituel, je remarque la baisse de qualité de ce point de vue-là. Cela dit, ils s'en sortent quand même très très bien. Voilà, les musiques sont vraiment géniales. Mais surtout, enfin voilà, moi c'est ma confrérie. Hein, le fait de se retrouver sur l'autre, un peu comme à la maison. Enfin, en ce qui me concerne, je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais pour moi c'est vraiment génial, quoi. Et puis je joue en couple aussi, donc du coup ça aide à rester. Voilà, quand l'un a plus envie de jouer, ah mais si, viens et tout, on fait des quêtes, machin. Donc voilà, donc ça aide à rester. Mais pas tout seul, même quand même en période d'été où des fois il y a moins de monde, bon bah voilà, on est deux, on est forcément au moins deux. Et puis la curiosité, l'envie d'en voir toujours plus, de relever de nouveaux défis, des nouvelles instances, parce que moi je suis une joueuse qui fait tout en fait. C'est-à-dire je peux passer des heures à fermer des festivals pour avoir telle pète, tel cheval et tout, et en même temps je peux aussi passer des heures à m'équiper pour aller en raid T2 défi. Donc je fais tout de A à Z. Je fais pas de RP, c'est vrai, mais voilà, je participe quand même aux événements d'Aza, Chou et puis voilà, j'adore ce jeu. J'ai des idées plein la tête de trucs qui pourraient être mis en place par les devs. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Je suis bien restée 5 ans avec un bâton de MDS avec un super joli skin, mais on n'y avait pas à l'époque la possibilité de mettre des armes en skin. Donc je suis restée avec mon bâton là que j'ai gardé dans mon sac et tout le monde se moquait de moi parce que mes sacs étaient toujours pleins de bâtons et d'autres trucs. J'ai par exemple un petit verre rouge où c'est marqué « Cet objet est totalement inutile en description, mais je le garde, c'est collector ». Et donc j'ai gardé ce bâton en me disant qu'un jour peut-être, et voilà, ils l'ont fait. Donc je désespère pas sur toutes ces possibilités qui sont offertes par ce jeu en termes de tout en fait, voilà. Et pour finir du coup, quelles améliorations pourraient être apportées pour satisfaire un plus grand nombre de joueurs, par exemple? Qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus? Alors, pour ma part, c'est vraiment personnel parce que j'ai quand même un esprit au niveau des jeux vidéo qui est très compétiteur. Et aussi, pour reprendre ce que je disais dans ma vidéo, ce qui pourrait aider à améliorer l'autre, ce serait vraiment une compétition déjà entre les confréries, par rapport déjà au PVP, sur certains points, entre les joueurs aussi, donc sur certains critères, et des instances qui soient quand même plus difficile et qui en récompense en fait donne plus qu'un titre quand vous l'avez fini en T2 pour montrer à tout le monde que voilà quoi. C'est pour moi, c'est un titre, c'est vraiment pas assez. Il faudrait vraiment beaucoup plus lorsqu'on finit une instance en T2 par exemple, qu'on a vraiment fait le défi, qu'on en a sué tout simplement, et puis voilà. En réponse à ce que tu viens de dire, moi je suis pas pour le classement entre joueurs. Parce qu'il y a certains très bons joueurs qui pourraient être laissés de côté simplement parce qu'ils jouent pas souvent, même s'ils sont très bons. Bah, je sais pas, par exemple, si c'est basé sur le nombre d'instances qu'ils ont tombées ou le nombre de boss qu'ils ont fait. Ils ont pu être excellents et en même temps ne l'avoir tombé que 3 fois. Et du coup, alors la personne qui groupe, elle prend la liste, elle fait « Ah non, toi, t'es 212e, je prends le 210e. » Enfin, pas cool, quoi. Donc voilà, après pour les confréries, je suis assez d'accord. En fonction du nombre d'instances, par exemple, du nombre d'instances tombées, du nombre de boss, voilà, comme ça le titre serveur ne suffirait plus. Alors je suis pas forcément pour une récompense ultra méga géniale, parce que du coup, pour le coup, on pourrait en revenir au pay to win, c'est-à-dire que des gens qui ont les moyens, ils payent, ils achètent des clés, ils se stuffent, ils vont faire leur raid, ils sont les premiers à tomber, et ils ont un méga stuff de la mort qui tue. Du coup, on n'est pas loin du pay to win, là, quand même. Mais bon, puisque cette récompense, hein, si j'ai bien compris ce que tu as dit, serait juste pour les premiers qui tombent. Donc, du coup, c'est plus pour les autres. Donc, elle est plus accessible aux autres. Donc, voilà. Et avec un classement de confrérie, bah, faudrait rester actif dans la durée, du coup. Alors, voilà, bon, je suis ni pour ni contre. Pour ces histoires de classement. Concernant l'équipement en instance, voilà, devoir finir avant, je sais pas si t'en as parlé, voilà, c'est-à-dire avoir des équipements en instance uniquement accessibles que si on a réussi l'instance, je sais pas. Devoir finir l'instance avant, oui, mais ne looter ses équipements que en instance, je suis pas pour. Parce que moi, j'ai vu des gens avec qui j'ai farmé, par exemple, le trône, ouvrir plus de 400 coffres. Sans jamais avoir la pièce, parce que bah pas de chance au dé, bah ça peut arriver, hein. Et comme surtout sur les dernières instances, il n'y a plus de système de chef qui peut attribuer en disant bon écoute, ça fait 15 fois que tu viens, t'as rien eu, je te le donne en priorité, voilà, ça n'existe plus. Donc alors il y a les échanges entre dans la communauté qui ont été mis en place, ça aide quand même, mais voilà. Donc pouvoir acheter ensuite, une fois qu'on a fini l'instance, et pas ne looter que en instance. Je trouve que c'est pas du luxe pour certains joueurs qui malheureusement jouent de malchance. Après, peut-être que ce sera un système à mettre en place avec des jetons d'instance, du genre le système Moria ou Isengard, qui je trouve était bien. C'est-à-dire que bon, on n'a pas la pièce, mais si on farme assez de fois l'instance, bah on a les jetons qui correspondent et on peut acheter la pièce avec des jetons. Du coup, c'est des jetons qui sont spécifiques aux instances, et c'est pas des jetons de répétables solo. Donc voilà. Donc c'est des systèmes que j'aimais bien, moi, le système Moria ou Vanguard. Après, je suis aussi déçue un petit peu que le jeu ait été laissé un peu à l'abandon à cause du toujours plus. C'est la société actuelle hein, qui veut ça, mais on veut toujours des nouvelles extensions, des nouveaux systèmes à tout va. Mais du coup, elles sont mal conçues, il y a des bugs, du coup les joueurs se lassent. Du coup, ils redemandent une extension. Donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est le cercle vicieux. On redemande une extension tellement vite que, du coup, elle est un peu bancale. Il y a des instances qui bug et, du coup, on redemande. Enfin, voilà. Donc, on met en place des nouveaux systèmes à tout va sans jamais regarder en arrière et prendre le temps de se demander. Enfin, là, je parle pour les devs. Je vais mettre en place ce système, mais est-ce que c'est cohérent avec ce qui est fait depuis 11 ans? Moi, je trouve que c'est un gros bémol du jeu, là. C'est le manque de cohérence depuis ces dernières années. Et si c'est pas cohérent, comment je le rectifie, moi, en tant que dev? Et par exemple, je recite l'exemple, par exemple, de ma monture de guerre. Voilà, clairement, c'est un système qui a été abandonné. Enfin, faut pas se leurrer. Je veux dire, à un moment donné, faut juste dire aux joueurs, c'est terminé. C'est tout ce qu'on demande, c'est-à-dire, ok, vous avez une quête à la fin, vous quittez le rang, vous vous rendez en Gondor, ou je sais plus laquelle la zone d'après, votre monture est fatiguée et ne pourra désormais plus combattre, mais elle saura toujours vous conduire aussi rapidement où vous le souhaitez. C'est tout. Et on se pose plus la question de savoir si oui ou non, un jour, ils vont se réoccuper des montures de guerre. Voilà, c'est terminé. C'est la même chose pour des tas de points. Enfin, j'en aurais tellement à citer. C'est la même chose pour les éclats légendaires, c'est la même chose pour les reliques craftées, c'est la même chose pour les escarmouches où finalement bah on ne droppe plus de stuff HL, enfin, plus acheter de stuff HL. Voilà, enfin il y en a tellement les essences 1 à 6 à quoi elles servent, on peut jamais looter de stuff c'est tellement rare. Enfin voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à l'abandon et qu'on ne prend pas le temps de clôturer, que les devs ne prennent pas le temps de clôturer. Donc ça je suis un peu déçue de ce point de vue-là. Voilà, après, des idées d'amélioration, j'en ai plein la tête. Alors voilà, hein, pour le coup, on est bien d'accord, l'autre, c'est pas tout joli, tout rose, il est pas parfait, le jeu. Il est très bon, mais il est pas parfait. Après, c'est pas non plus facile de trouver des améliorations qui vont convenir à tout le monde. Bon, après, on peut effectivement avoir quelques idées, notamment des choses qu'on a déjà dit. Moi, en premier, ce qui vient en tête, c'est effectivement, comme on avait dit tout à l'heure, revaloriser le statut VIP, parce que là, il apporte pas suffisamment de choses à l'heure actuelle pour être vraiment intéressant, et justement, ça aiderait non seulement les joueurs, mais ça aiderait également le développement. Selon moi, un autre point important, c'est de surtout pas tuer le contenu solo ou casual. En faveur du multi, c'est très important qu'il reste du contenu solo, du contenu simple, mais il faut juste faire en sorte que le contenu multi, s'il est effectivement plus difficile, bah par conséquent, qu'il apporte soit de meilleures récompenses, soit qu'il en apporte plus, soit que ça vienne plus rapidement, mais voilà, qu'il y ait clairement une différence entre les deux. Faut pas nécessairement dissocier les deux, mais faut faire en sorte de dire, bah si t'as pas envie de t'enquiquiner à faire du multi, ok, il y a pas de problème. Mais par conséquent, forcément, ceux qui vont s'impliquer dans le multi vont recevoir un peu plus. Un autre point, à mon avis, qui mérite d'être amélioré, c'est le craft. Faut qu'il serve à nouveau à quelque chose hein, dans les hauts niveaux. Parce que là, à l'heure actuelle, à part les carrières d'érudits et de cuisiniers, les autres ont plus vraiment d'identité. C'est juste, tiens, tu craftes des essences ou tu fais 2-3 consommables pour une classe et c'est tout. Les fabricants d'armes, ils fabriquent plus d'armes. Les armuriers, ils fabriquent plus d'armures. Enfin, voilà, ce genre de truc. Même si c'était rien que de pouvoir crafter des cosmétiques ou des décorations, ça serait pas l'idéal, mais au moins, on aurait quelque chose qui redonnerait une identité à nos carrières de craft. Sinon, selon moi, il faut qu'ils continuent dans la lignée des améliorations qu'ils ont commencé là en ce moment. Refaire les anciennes zones, ajouter du contenu au festival. Le festival des Moissines actuel, ce qu'ils ont rajouté, c'est ils ont quasiment doublé le contenu du festival en fait. Le fait également d'essayer de limiter la malchance grâce au système de cendres et de braises. Il y a encore des couacs au niveau de ce système, Mais s'ils continuent à pousser dans ce sens-là, ça peut devenir quelque chose de très intéressant. Et à côté de ça, comme disait Syl, qu'ils arrêtent d'abandonner des nouveaux concepts qui, à la base, sont intéressants, mais qui, au bout d'un moment, ils laissent tomber les combats montés, les batailles épiques, la lumière des Herendil, ce genre de choses. C'est intéressant. Alors certes, ça peut pas s'appliquer partout, mais c'est pas la peine non plus de l'abandonner complètement. Surtout que ça donne une identité au jeu. Ça rajoute ça enlève un peu de monotomie au jeu. Alors autant que ça puisse continuer. Et enfin, d'après moi, un autre point qui est important, c'est ne plus limiter le PVP au VIP. Parce que j'ai pas d'autre mot, c'est juste complètement stupide. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. Bon, le PVP au VIP, je suis d'accord. De toute façon, vu la qualité du PVP, c'est un peu vache de faire payer les gens pour ça. Voilà. Voilà, ça c'est dit. Hop. Et après, alors pour le craft, moi je crafte pas du tout, hein. Mais je sais pas, enfin, il y a des jeux où il y a des comptoirs de guildes où on peut vendre des trucs qu'on a craftés. Enfin, bien sûr, on a l'HV, mais quelque chose qui crée une identité, qui valorise la guilde. Enfin, voilà, la possibilité, je sais pas moi, dans sa propre maison de conf ou de perso, de pouvoir crafter une. T'as raison sur le craft, bon là c'est un peu ridicule, mais de crafter, je sais pas, une carte d'invitation, une carte de TP en fait, pour que les gens puissent venir chez nous, pour se rassembler quand on veut. Voilà, il y a tellement de choses à faire. Enfin voilà, on parlait du classement des confréries. Moi je voudrais trop une amélioration du chasse-poulet, j'adore le chasse-poulet. On a fait des parties en confrérie extraordinaires où on a ri, mais pendant des heures quoi. Sauf que maintenant, enfin, ça doit pas être bien compliqué que quand un joueur sort avec sa batte, alors je sais que les gens comprennent pas, ceux qui connaissent pas le chasse-poulet, mais bon, on rentre dans un terrain, on prend une batte et on attend qu'il y ait assez de joueurs qui chacun ait pris leur batte pour jouer au chasse-poulet. Bon, une espèce de golf, enfin bref. Mais quand les joueurs sortent, s'ils quittent la zone avec la batte sans avoir terminé, fait la quête, la batte ne réapparaît pas. Oui. Donc personne ne peut utiliser le terrain pleinement. Mais ça, c'est pas compliqué quand même de dire que si le joueur il sort, la batte réapparaît, ça doit pas être très compliqué à mettre en place. Mais ça me tue. Moi, je suis pour des équipes de confrérie officielles avec un tableau d'affichage. Enfin voilà, il y a tellement de choses à faire sur ce jeu. Ce qui serait plus sympa, c'est que le chasse-poulet soit ouvert constamment, tout simplement. Oui, tout le temps. Tout le temps. Voilà. Moi, je veux le chasse-poulet tout le temps. Donc voilà, non mais bon, c'est clair qu'il faut pas tuer le contenu solo, casual. Et voilà, enfin moi. Ce que je préfère finalement dans l'autre, c'est le leveling et ensuite les instances HL. Mais j'adore le leveling. Je fais 12 000 rerolls. J'adore ça. Une dernière phrase de la part de mes invités pour conclure, par exemple. J'adore ce jeu. Moi, je ne désespère pas. On a dit des points négatifs, oui, c'est sûr. Mais voilà, moi, je veux qu'il fasse preuve d'imagination avec des vraies nouvelles idées. J'en ai plein sous le coude. Je ne sais juste pas où les exposer aux devs, mais voilà, j'en ai plein. Voilà, de vraies nouvelles idées et des vraies plus-values, par exemple ce qu'ils ont fait sur les nouveaux systèmes de déco, voilà, moi j'adore. Donc voilà. Chaotil, est-ce que tu as une petite conclusion à nous faire? Oui, bien sûr. Pour moi, l'Otro, c'est une grande aventure. C'est le jeu sur lequel, même après avoir arrêté pendant quelques années, c'est quelque chose qui restait au fond de ma tête et j'ai toujours eu l'intention d'y revenir. J'ai fini par y revenir et ça reste toujours autant un plaisir d'y jouer. Je sais que je suis pas nécessairement le joueur le plus représentatif, mais malgré tout, j'aimerais pouvoir dire, certes, il n'y a pas que du positif, mais ne regardez pas non plus que le négatif. Le négatif, faut pas l'excuser, faut attendre qu'il soit amélioré. Faut au contraire avoir un esprit critique pour pouvoir savoir effectivement ce qu'on peut attendre et essayer de se faire force de proposition. Mais il faut pas non plus gâcher son plaisir. Le jeu, on peut en profiter de plein de manières différentes. On peut s'amuser dessus encore, qu'on soit HL, qu'on soit bas level, ça change rien. N'hésitez pas, si vous en avez marre d'un truc, à vous ouvrir et à essayer autre chose. Parce que l'Otro a énormément à proposer. Pour ma part, donc, même si j'ai râlé en vidéo, que j'ai pu être salé ou quoi, ou même si je râle encore aujourd'hui, l'Otro, j'y serai toujours, j'y serai jusqu'à temps que ça existe. C'est l'amour fou, de toute façon. il faut gueuler parce que j'avais besoin de gueuler, j'avais besoin de dire ce que j'avais à dire, tout simplement. Mais aujourd'hui, je suis sur le trou, je joue encore sur le trou, je joue avec mon chasseur, j'ai refait un reroll. Il y a toujours des choses à faire et puis il y aura toujours des points négatifs, que ce soit sur le trou, c'est un MMO aussi, il faut faire des pauses, on peut pas tout le temps être sur le jeu et tout le temps être satisfait. Et donc au final, même s'il y a des points négatifs, il y a quand même un gros positif qui reste et l'aventure continue. Que de belles conclusions positives. Merci donc à vous d'avoir participé à ce débat, ce fut très plaisant. Et j'espère vous revoir bientôt sur le jeu et vous croiser dans nos instances. Et de même. Merci. Merci. Merci à tous. Bienvenue dans... Oh, mais regardez qui va là. Un nouveau client. Bien le bonjour. Vous tombez à pic, car aujourd'hui, toute l'équipe est ravie de vous accueillir dans le plus grand et le plus extraordinaire des ultra-hyper-bazars de la Terre du Milieu. Afin de faire découvrir l'une des nouveautés du mois de décembre à nos chers contributeurs. En effet, être client régulier chez nous, c'est obtenir gratuitement notre superbe carte de fidélité personnalisée à votre nom. Avec celle-ci, à chaque fois que vous conclurez avec nous une transaction de plus de 345 pièces d'or, 471 pièces d'argent et une pièce de cuivre, on vous coche une des petites cases. Ici. Regardez. Juste la ligne là. Vous voyez, il y a 1000 cases avec plusieurs paliers de récompenses qui leur sont associés. Chacun de ces paliers vous offre le privilège d'obtenir un titre surprise spécial brodé en poils de barbe naine naturelle sur brason en peau de gobelin qui fera de vous quelqu'un de... spécial quand vous l'exhiberez lors de vos pérégrinations. Venez donc découvrir tous ces titres par vous-même en complétant votre carte grâce aux promotions de fin d'année. Chaque jour différent. Tiens, aujourd'hui par exemple, c'est une réduction à plus 150% dans notre section littéraire Contes et légendes de la Terre du Milieu. Et je vous recommande personnellement le tome 1 de Secrets d'Histoire, finement gravé au marteau et au burin, aux éditions René Gentube. Quoi ? Non, nous ne faisons ni troc ni rachat. Des sandales en tissu et fibres naturelles ne nous intéressent pas. Et ici, on n'est pas amis avec la nature. Hein ? Comment ça ? Si t'as pas d'or, tu sors. Du balai. Ah, ces vendeurs de porte à porte qui essaient de nous voler. Je crois rêver. Nous vous attendons donc impatiemment, chers clients. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. C'est avec joie que je vous accueille pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire, l'émission qui nous plonge à la recherche des trésors perdus de la Terre du Milieu au fond de l'océan des contes et légendes d'un autre temps. Aujourd'hui, nous découvrirons ensemble les secrets derrière l'aventure extraordinaire d'un navigateur tout sauf ordinaire, Earendil, héros du premier âge. Notre histoire commence il y a fort longtemps, à l'aube du premier âge, à l'époque où le vil Melkor venait de tuer les deux arbres du Valinor et de s'enfuir avec les Silmarils pour rejoindre la Terre du Milieu. si nous parlerons une autre fois de cette effroyable tragédie, nous allons néanmoins suivre quelques instants les elfes qui décidèrent de poursuivre l'odieux Vala, les elfes Noldor. Leur haut roi, Finwë, avait en effet tenté de protéger les précieux Silmaril, mais ne rencontra que la mort de la main du terrible Melkor. L'un de ses fils, Fëanor, enragé par ce qu'il venait d'arriver, et poussé par une colère nourrie après des années de mensonges du meurtrier de son père, harangua les Noldor à le suivre à la poursuite de celui qu'il renomma Morgoth, le noir ennemi du monde, en quête de vengeance et de justice. Seule une partie des siens le suivirent, mais ce fut néanmoins une flotte conséquente d'elfes qui quitta les côtes du Valinor pour s'engager dans une guerre qui allait durer des siècles. Parmi ceux qui le suivirent se trouvait Turgon, fils du demi-frère de Fëanor, qui, s'il ne partageait pas le point de vue de son oncle, le suivit néanmoins dans son exil, principalement dans l'idée de trouver un moyen de libérer la Terre du Milieu du joug du puissant Morgoth, et non pas mû par un désir de vengeance. Cette relative sagesse intéressa un observateur inattendu, Ulmo, le Vala régnant sur les flots et les océans. Ce dernier considéra que Turgon pouvait en effet avoir une chance de préparer les elfes à cette guerre qui semblait presque perdue d'avance, et décida de lui prodiguer un précieux conseil. En l'an 50 du premier âge, il apparut en personne devant l'elfe alors qu'il observait la mer, et lui révéla l'existence de Toumladen, un Val caché, protégé par des montagnes, dans lequel il pourrait construire un royaume secret, à l'abri du regard de Morgoth. Ulmo prévint également Thorondor, le chef des grands aigles que Manwë avait envoyé afin de surveiller discrètement les elfes dans le Beleriand. Et ce dernier accepta alors de rester vigilant sur les abords du Val secret, nichant avec les siens sur les pics de Crissa et Grim. Turgon entreprit un voyage de 3 ans à la recherche de Toumladen, et finit enfin par le découvrir en suivant les instructions d'Ulmo. Alors, il fit bâtir en ces lieux l'un des plus grands royaumes du Beleriand dans le plus grand des secrets. Et lorsqu'il fut achevé, en l'an 116 du premier âge, il y emmena son peuple, à savoir près d'un tiers des Noldor et les 3/4 des Sindar vivant au nord. Ce royaume se ferait connaître sous le nom de Gondolin. La sagesse permit à Turgon de garder secret la position de son royaume à Morgoth durant des siècles. Mais néanmoins, le plan d'Ulmo n'avait jamais été que son peuple ne reste caché derrière ses murs à attendre. Le Vala savait que le secret ne durerait qu'un temps, et qu'il faudrait bientôt que Turgon ne prenne une décision concernant la guerre. Lorsqu'un jour, un simple homme arriva sur les côtes du Belgaer, dans les ruines de Vinyamar, l'ancienne demeure de Turgon et des siens, Ulmo saisit l'opportunité. Il apparut au vagabond, dénommé Tuor, et lui confia un message à transmettre à Turgon. Au bout d'un long voyage, Tuor parvint à atteindre le royaume secret de Gondolin en l'an 496 du premier âge, et il délivra la mise en garde du Vala au roi des Noldor. Malheureusement, influencé par son neveu Maeglin, dont nous parlerons bientôt plus en détail, il refusa de faire évacuer son peuple face à la menace grandissante des armées de Morgoth. Mais il écouta tout de même les conseils de Tuor, et ordonna que plus personne ne rentrerait ni ne sortirait du royaume. Le roi et le vagabond, qui était en réalité un Aiglin, un descendant de la maison de Galdor, se lièrent d'amitié, et Tuor devient même le chef de l'une des 12 maisons du Gondolin. Turgon avait une fille unique, Idril Celebrindal, réputée pour sa grande beauté et sa douceur proverbiale. La belle était si désirable que son propre cousin, Maeglin, souhaitait la courtiser. Trouvant le caractère de ce dernier fort peu à son goût, ainsi que leur lien du sang trop proche, Idril s'évertuait néanmoins à repousser ses avances. Car Maeglin, s'il avait la confiance du roi son oncle, n'en restait pas moins un elfe troublé. fils d'Éol, l'elfe noir, son propre père avait tenté de le tuer lorsque sa mère, lassée de la réclusion qu'il leur imposait, s'était enfuie pour rejoindre son frère Turgon à Gondoline. Tuant alors par mégarde sa femme, Éol avait été condamné à mort par Turgon, proférant une sinistre malédiction à son propre fils en guise de dernière parole. Aussi, quelle ne fut pas l'horreur de Maeglin lorsqu'un jour, alors qu'il tentait de se montrer digne de la confiance de son oncle, malgré son lignage, que Tuor, un simple et misérable humain, était en train de lui ravir le cœur d'Idril, tombé sous le charme de l'homme, et que pis encore, ayant appris à considérer Tuor presque comme son fils, le roi Turgon avait décidé d'autoriser leurs épousailles. Colère et jalousie envenimèrent le cœur de Maeglin, alors que le nouveau couple donnait naissance, en 503 du premier âge, à leur fils et à Rendil. Nous voici actuellement à Foncombe, où nous avons l'incroyable chance d'avoir été reçus par le seigneur Elrond en personne. Dans quelques instants, notre hôte va répondre à toutes nos questions sur Earendil. En attendant, profitons des incroyables prouesses architecturales des elfes de Rivendell qui font de ce domaine un véritable joyau à l'ombre des monts brumeux. Le seigneur Elrond étant visiblement très occupé, reprenons le cours de notre émission en attendant qu'il ne puisse se libérer. 7 ans après la naissance des Arendil, ce que Ulmo avait prévu arriva. Après avoir capturé Maeglin et lui avoir promis la main d'Idril en échange de son aide, Morgoth apprit enfin la position de l'entrée de Gondoline. Le seigneur noir relâcha l'elfe pour qu'il prépare le terrain sans que personne ne le soupçonne. Puis il lança ses armées à l'assaut de la cité secrète. Nous sommes en 510 du premier âge, et Gondoline, le dernier royaume secret des elfes encore debout à cette époque, vit là ses dernières heures. Idril, pressentant le danger et croyant en l'avertissement que son époux avait apporté au roi, avait demandé à Tuor de faire construire en secret un passage souterrain pour faire évacuer la cité en cas de danger. C'est cette présence d'esprit qui leur sauva la vie, au couple ainsi qu'à un grand nombre de survivants. Alors que Tuor avait vaincu Maeglin sur les murs de la cité, et que Turgon le Sage avait péri en défendant son royaume. Tous ensemble, et grâce à l'aide de leur gardien secret, Thoron d'Or l'Aigle, ils trouvèrent refuge au Havre du Sirion, au bord de la mer, se cachant de l'ombre grandissante de Morgoth. Là, Earendil grandit au bord de l'océan, qu'il apprit à aimer de plus en plus en écoutant les histoires de Círdan, un elfe qui avait passé une grande partie de son temps au Beleriand à fonder des refuges tels que celui de Sirion et à fabriquer des navires, tentant régulièrement d'envoyer des messages vers le Valinor, demandant l'aide des Valar pour vaincre Morgoth, restant malheureusement toujours sans réponse. Après quelques années, alors que leur fils atteignait l'âge adulte, Tuor fit construire un navire, et il prit la mer avec sa femme, naviguant vers l'ouest, en direction des terres immortelles, qui avaient vu naître Idril et qui lui manquaient terriblement. Et Earendil, lui, décida de rester à Sirion, ayant trouvé une raison plus que valable de demeurer derrière. En effet, le jeune semi-elfe avait rencontré, au cours de l'une de ses nombreuses promenades au bord de l'océan, une autre semi-elfe répondant au nom d'Elwing, dont il était tombé éperdument amoureux. La demoiselle s'avérait être la fille du roi Dior, seigneur de Ménégroth, lui-même fils des célèbres Beren et Luthien. Ce même roi qui avait été tué quelques années auparavant par les fils de Fëanor, dont la soif de vengeance s'était à présent tournée envers tous ceux qui possédaient un Silmaril, qu'ils fussent serviteurs de Morgoth ou bien de leur propre race, important visiblement bien peu. Elwing avait réussi à fuir le sac de Ménégroth, trouvant elle aussi refuge à Sirion, et il ne lui fallut guère longtemps avant de tomber sous le charme d'Earendil. Ils se marièrent en l'an 530 du premier âge, et eurent 2 ans plus tard des jumeaux, Elros et Elrond. Malgré la menace toute proche des armées de Morgoth, Earendil avait donc tout pour être heureux. Mais un appel puissant se faisait entendre en lui, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer, l'appel de la mer. Avec l'aide de son ami Círdan, ils construisirent un navire, le plus incroyable que le charpentier elfique eût jamais achevé. Fait de bois d'un blanc pur, de voiles d'argent et orné de grandes ailes et d'une tête de proue de cygne, il fut nommé Vingiloth. Et après avoir fait ses adieux à sa femme et ses enfants, il prit la mer à la recherche de ses parents, craignant qu'il ne leur soit arrivé malheur. Ce qu'Arendil ignorait, c'est que le malheur s'apprêtait à s'abattre sur les havres du Sirion. En effet, les enfants de Fëanor avaient appris que le Silmaril qu'ils recherchaient, celui-là même que Beren avait arraché à Morgoth, était actuellement en position d'Elwing, qui l'avait emmené lors de sa fuite de Ménégroth. Sans la moindre hésitation, ils attaquèrent alors la région, tuant sans pitié les elfes et les hommes qui s'y étaient réfugiés pour fuir les armées de Morgoth. Séparé de ses enfants, Elwing finit par être acculé au bord d'une falaise, et croyant Elros et Elrond morts aux mains de ses assaillants, elle décida d'emporter avec elle ce qui avait causé tant de folie, se jetant dans les flots avec le Silmaril à la main. Et pourtant, cela ne devait pas être la fin de son histoire. Ulmo, observant toujours de très près la situation au Beleriand depuis l'arrivée des elfes sur ses terres, et de plus près encore la destinée de la famille de Turgon, intervint pour sauver la jeune femme, et la changea en oiseau. Elle s'envola alors à tire d'aile, jusqu'à finalement réussir à atteindre le Vingiloth, trouvant sa forme à peine eut-elle atterri dans les bras de son époux. Elle conta alors le massacre qui venait d'être perpétré à Sirion, et ensemble, ils décidèrent de voguer jusqu'au Valinor, dans l'espoir de parvenir enfin à convaincre les Valar de venir en aide au peuple de la Terre du Milieu dans leur lutte contre Morgoth. Plaçant le Silmaril sur la proue du Vingiloth, ils parvinrent, grâce à sa lueur, à éviter les îles enchantées bordant la mer des ombres, sur lesquelles ils auraient trouvé un sommeil surnaturel, puis enfin à atteindre les côtes des terres immortelles, faisant d'Earendil le premier mortel à fouler le sol du Valinor en l'an 542 du premier âge. Il se présenta face aux Valar et leur demanda leur aide au nom des elfes et des hommes. Après délibération, ils acceptèrent et considérèrent que les actes d'Earendil méritaient qu'ils ne subissent pas le châtiment réservé à ceux de la maison de Fëanor qu'ils encouraient en revenant sur ces terres, après toutes les atrocités qu'ils avaient commises. Ils offrirent même aux semi-elfes de pouvoir choisir entre la vie éternelle des elfes ou la vie mortelle des hommes. Et bien que Earendil ne se soit senti plus proche des hommes, il laissa son épouse choisir pour eux deux, rejoignant ainsi les rangs des elfes. Les Valar se préparèrent enfin pour la guerre, traversant la mer avec les Noldor restés au Valinor, avant d'être rejoints par les hommes et les nains présents au Beleriand pour mener l'assaut. En l'an 545 du premier âge, leur armée croisa pour la première fois le fer avec les forces colossales que Morgoth avait préparé depuis sa forteresse d'Angband, en prévision de cette guerre. Durant près de 40 ans, la guerre de la colère fit rage, mais petit à petit, les armées de Morgoth perdaient du terrain. Alors, en l'an 587, ce dernier décida de libérer son arme secrète. Une volée de dragons ailés, les premiers de leur genre, amenant la mort depuis le ciel, dirigé par la créature la plus monstrueusement titanesque qu'Ardan ait jamais portée. Encalagon le Noir, un dragon dont l'ombre des ailes, disait-on, suffisait à plonger entièrement dans la nuit les plaines d'Ardgalen où se tenait le combat. Ils parvinrent à repousser les Valar eux-mêmes jusqu'à ce qu'Earendil n'intervienne. Les Valar ne lui avaient en effet autorisé à quitter le Valinor qu'une dernière fois pour les accompagner dans la bataille, et il attendait le moment juste. À bord du Vingiloth, enchanté par Manwë pour que le navire ne soit capable de naviguer sur les courants d'air, et le Silmaril toujours sain sur sa proue, il partit pour un dernier assaut en compagnie de Thorondor, toujours présent, et de ses aigles. Ensemble, ils fondirent sur la volée de dragons et Earendil chargea directement Encalagon, l'aveuglant de la lumière du Silmaril. Nous ne pouvons, assurément bien à l'abri dans nos trous ou nos demeures, imaginer précisément la portée d'un affrontement aussi épique, mais pourtant, Earendil parvint, d'une manière ou d'une autre, à terrasser le dragon noir en plein vol, qui s'écrasa alors sur Angband, détruisant la forteresse et les montagnes qui l'entouraient. Ceci marqua la fin de la guerre, ainsi que celle du règne de Morgoth, le noir ennemi. Selon les elfes, Earendil existe toujours, et revêt aujourd'hui plus que jamais un symbole d'importance pour le peuple Eldar. Voguant à bord du Vingiloth, le Silmaril de Beren et Lúthien serti sur son front, il garderait dans le ciel la porte de la nuit, s'assurant que jamais le terrible Morgoth ne puisse entreprendre son retour. Devenu l'étoile la plus brillante de notre ciel, il veillerait à ce que la lueur du soleil et de la lune ne s'éteigne jamais. Et si les chants elfiques sont nombreux à son sujet, c'est sur un extrait du poème d'un de mes confrères résidant à Foncombe, rencontré alors que j'attendais Maltrelrond, que nous allons achever ce merveilleux voyage. Un navire neuf, alors, ils construisirent, de mithril et de verre elfique, à la brillante proue, point de rame dorée. Aucune voile ne portait son mât d'argent. Le Silmaril comme lanterne, et bannière brillant d'une vivante flamme, pour luire par Elbereth elle-même, fut fixé, qui vint là, et des ailes immortelles pour lui fabriqua. Elle établit pour lui un destin immortel, pour naviguer dans les cieux sans rivage, et venir derrière la soleil et la lumière de la lune. Ainsi prit fin le premier âge de la Terre du Milieu, ouvrant la voie à une période pleine d'espoir. Mais ceci, ce sera une autre histoire. L'heure est venue de reprendre votre route, voyageurs. Que votre barbe pousse toujours plus longue, vos poils d'orteil toujours plus soyeux, et vos oreilles toujours plus vives. Jusqu'à notre prochaine édition de Radio Syrah.